Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire des espions, alors même que le rapport commandé par l'administration Obama sur la NSA vient d'être publié, c'était hier soir ou cette nuit aux États-Unis. Lundi, nous avons reçu deux anciens de la DST sur l'affaire Farwell, fameuse affaire de contre-espionnage des années 1980. Puis mardi, nous nous sommes plongés dans les méandres de l'affaire des époux Rosenberg dans l'Amérique de la guerre froide. Et puis hier, nous nous sommes promenés dans l'exposition sur l'espionnage qui se tient ces temps-ci à la Bibliothèque de littérature policière de Paris, à la recherche des objets de l'espionnage. Nous allons ce matin débattre d'une question difficile. Pourquoi les nations n'aiment-elles pas leurs espions? Quel rapport ces pays entretiennent-ils avec cette catégorie de leur population? Quel rapport entretiennent-ils aussi avec les espions des puissances étrangères? C'est ce que nous allons voir avec Anaïs Quin, qui a préparé cette semaine avec nous, avec Yannick Dehaye. Il a créé les éditions Nouveau Monde, et les éditions Nouveau Monde publient de nombreux livres d'histoire sur l'histoire de l'espionnage, et il a dirigé en particulier un numéro du Temps des médias, c'était le numéro 16, printemps 2011, sur l'espionnage. Donc, Aude Sirier sera également avec nous, elle est historienne, elle a travaillé sur la période médiévale en Italie, sur les cités italiennes, en particulier du côté de la Toscane, et en particulier sur les espions de ces cités italiennes. Stéphane Genet est enfin avec nous, il est agrégé, il est docteur en histoire, professeur en lycée à Tours et il vient de publier chez Nouveau Monde justement un livre qui s'intitule « Les espions des Lumières, action secrète et espionnage militaire sous Louis XV ». Commençons cette émission comme tous les jeudis par un petit tour d'horizon de nouvelles d'histoire puisées sur le net, dans vos journaux et dans vos revues. Tout d'abord, notons qu'une certaine nécrophilie historique bat son plein. Après les découvertes supposées de la dépouille de Richard III d'Angleterre ou du crâne d'Henri IV chez nous, mise en scène de façon spectaculaire par des médias fétichistes, c'est au tour de Robespierre d'y passer cette semaine. Depuis quelques jours, la nouvelle a fait le tour du monde. On a reconstitué le visage de l'incorruptible. Ceux qui sont à l'origine de cette information sont les mêmes que pour la tête d'Henri IV, le spécialiste de la reconstitution faciale Philippe Freusch et le médecin légiste Philippe Charlier. Ils ont donc, nous dit Le Monde sur son site, reconstitué le visage de Robespierre à partir du masque mortuaire réalisé par Madame Tussaud. Toutes les apparences de la scientificité sont là. Quand on lit ces textes, on nous montre des reconstitutions 3D de la face de l'avocat d'Arras avec des mots savants à l'appui, ectoconchion ou encore exocantion, et on nous révèle un visage large et grêlé de marques de petites véroles, de variole. Mais attention, dès la supposée révélation, les historiens de la Révolution française protestent, comme Annie Duprat sur les réseaux sociaux. Les têtes des guillotinés étaient jetées dans la chaux, dit-elle. Madame Tussaud est connue pour le peu de fiabilité de ses moulages, etc., etc. Mais rien n'y fait, les médias du monde entier relaient cette histoire, conçue par ceux qui annoncent déjà qu'ils vont s'attaquer au visage de Descartes. Et sur le site du CVUH, le Comité de Vigilance sur les Usages de l'Histoire, Guillaume Mazot, qui est historien à l'Institut d'Histoire de la Révolution française, nous met en garde à la fin du 18e, dit-il, les vrais, les copies et les faux moulages pullulaient d'ailleurs dans toute l'Europe, tant ils étaient une source de profit jusqu'à se confondre, rendant leur authentification aujourd'hui extrêmement difficile. D'autre part, le visage ici ne correspond pas avec l'extrême majorité des dizaines de descriptions, de dessins, de gravures, de peintures ou de sculptures dont nous disposons depuis très longtemps. De ce point de vue, ce visage en 3D, décrit avec horreur dans les commentaires laissés sur Internet, s'inscrit clairement dans une iconographie monstrueuse de Robespierre, et Guillaume Mazot de conclure, c'est d'ailleurs ici que se situe probablement le plus grand intérêt de cette vraie fausse découverte, montrer à quel point, plus de deux siècles après sa mort, la figure de Robespierre reste une source d'erreurs historiques et de fantasmes négatifs dans l'imaginaire collectif. Ces temps-ci, l'imaginaire collectif national est assez mobilisé dans les journaux ou sur le net par une future panthéonisation probable à laquelle devrait procéder François Hollande. Alors, chacun y va de sa proposition. On a ressorti sur les réseaux sociaux cette semaine une tribune du Monde qui datait du mois de juin et qui demandait l'entrée au temple de la mémoire nationale du ministre du Front populaire Jean Zay. Sur cette antenne, Régis Debray a proposé Joséphine Becker, idée qu'il a développée dans Le Monde depuis et toujours dans ce qui pourrait apparaître comme le quotidien du Panthéon, à savoir le journal Le Monde. Eh bien, Mona Ozouf a relancé l'idée de panthéoniser Pierre Brossolette, suicidé héroïque de la résistance française, dit-elle, mais plus seul, comme une pétition le demandait il y a encore quelques mois. Il y entrerait, selon Mona Ozouf, en compagnie de deux résistantes, Geneviève Antonioz de Gaulle et Germaine Tillion, toutes deux déportées à Ravensbrück, l'une fondatrice après la guerre d'Athée des Carmontes et l'autre grande anthropologue du peuple berbère. Brossolette, liberté, écrit donc Mona Ozouf dans Le Monde. Tillion, égalité. Antonioz, fraternité. Ces trois noms donnent chair à la devise qui, inscrite au fronton de nos mairies et dans l'étamine de nos drapeaux, dit tout de ce qu'est la République. Bien plus qu'un régime politique, une civilisation morale, conclut l'historienne Mona Ozouf, qui, auparavant, avait estimé dans cet article du Monde que notre démocratie avait de plus en plus de mal à reconnaître la grandeur et le sentiment d'admiration, ce qui, selon elle, expliquerait que certains demandent au président, par exemple, de choisir des personnalités au parcours plus ordinaire. Or, explique Mona Ozouf en citant Régis Debray, le héros est un homme ordinaire qui accomplit l'extraordinaire et pour redonner vie à la demeure des grands hommes, eh bien, c'est bien sûr l'admiration qu'il faudra miser. Sortons un peu de notre histoire nationale pour finir. Alors que la revue Esprit se demande dans sa dernière livraison comment faire l'histoire du monde avec des contributions des historiens Philippe Minard, Philippe Norel et Romain Bertrand, allons sur le site du Collège de France qui vient de mettre en ligne la leçon inaugurale qui a donné le 28 novembre dernier l'historien Sanjay Subramaniam, élu à la chaire d'histoire globale de la première modernité. Avec l'aisance et l'humour qui le caractérisent, Sanjay Subramaniam, qui se qualifie dans cette leçon d'historien étranger connu pour ses humeurs vagabondes, virevolte de citation en citation, d'auteur romain en auteur coréen, de Guillaume Postel à Fernand Braudel, et nous explique comment il faut aller aujourd'hui au-delà du récit égoïste de l'histoire des États-nations, sans pour autant oublier qui on est et d'où on vient. Il est impossible, conclut Sanjay Subramaniam dans sa leçon inaugurale, d'écrire l'histoire globale de nulle part, ou, comme certains l'ont proposé, en adoptant une perspective extraterrestre. Comme tout historien, je reste attaché à des lieux et à des espaces particuliers, dit-il, mais il s'avère que dans le monde actuel, il y a un intérêt et une curiosité croissante pour ce type d'histoire, qui n'est pas vouée à remplacer une histoire régionale, nationale ou continentale, mais à les compléter. Un plaidoyer qui donne beaucoup d'espoir pour une discipline, l'histoire, si fréquemment découragée ces derniers temps. Voilà pour ces nouvelles que vous pourrez retrouver donc sur le site de La Fabrique, à la page La Semaine Historique. Aude Sirier, vous avez écouté quelques-unes de ces nouvelles. Il y en a une qui vous a intéressé plus que les autres? Alors, évidemment, l'histoire de la vraie fausse tête renvoie un petit peu, je dirais, aux pratiques des faux qui existent depuis très très longtemps et qui sont dénoncées notamment, enfin, je pense au traité de Calvin, sur le traité des reliques, où on érigeait un os de patte d'un âne comme étant la relique de Saint-Martin ou de Saint-Pierre. Et ce sont des pratiques qui sont visiblement toujours en cours. Donc voilà. Encore, elles sont, en tout cas, chaque année et chaque temps, à chaque période, renouvelées, en tout cas, ces pratiques, puisque là, en l'occurrence, à partir de ce vrai-faux visage de Robespierre récupéré chez Madame Tussaud, on arrive à reconstituer, dit-on, la face de l'incorruptible. Stéphane Genet, vous avez une nouvelle qui vous a plus intéressé qu'une autre? Oui, en fait, c'est l'information sur Joséphine Becker, parce que, évidemment, ça m'a rappelé son rôle d'espionne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, je me suis dit que c'est peut-être pour la première fois, nous aurions une reconnaissance, alors non pas de son rôle d'espionne, mais au moins un lieu de mémoire ou un lieu où on honorerait quelqu'un qui a agi en tant qu'espion, ce qui est quand même extrêmement rare en France. Oui, Yannick Dehaye, vous qui travaillez aux éditions Nouveau Monde, qui les avez fondées, ces éditions Nouveau Monde, et qui, d'une certaine façon, avait participé à populariser la question de l'histoire de l'espionnage, vous aussi, ça doit vous faire plaisir de voir Joséphine Becker parmi les prétendantes supposées à la panthéonisation. Oui, alors je pense que dans l'esprit de Régis Debray, il y a peut-être encore plus son action sur les questions raciales ou en faveur de l'enfance malheureuse. Il y a peut-être aussi un lien avec l'Amérique, mais c'est vrai qu'on ne peut pas isoler Joséphine Baker de son travail d'espionnage. Et donc, que ce soit volontaire ou non, ce serait effectivement une façon de consacrer ce rôle d'espionne. C'est cette émission donc consacrée à la question difficile, est-ce que les nations aiment leurs espions ? Évidemment, une réinterprétation par Ray Barreto du thème de James Bond. Alors, on se dit, tout compte fait, Yannick Day, qu'on a un moment un peu particulier avec Anaïs Quin quand elle m'a proposé de faire cette semaine sur l'espionnage. C'est un moment où cette question de l'espionnage est devenue une véritable question d'histoire. Vous y participez bien évidemment. On va voir dans la revue Vacarme qui va sortir au mois de janvier prochain un dossier complet sur la question de l'espionnage, là aussi avec des historiens qui travaillent sur ces questions du renseignement, de l'espionnage. Ça s'appelle Spymania, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui boue autour de cela, l'exposition à la Bilipo où nous étions hier aussi. Il y a à la fois un fort intérêt de la part du public pour l'espionnage. Ça se traduit à travers de nombreux médias, effectivement, aussi bien le cinéma, les témoignages d'anciens espions, la littérature historienne ou journalistique sur l'espionnage. En même temps, je crois qu'il y a chez les Français une espèce de complexe vis-à-vis de leurs espions. Et ce complexe serait assez bien résumé par le OSS 117 de Jean Dujardin. C'est-à-dire que, fondamentalement, on a un personnage extrêmement content de lui, macho, hableur, totalement ignorant des réalités géopolitiques et qui néanmoins, comme ça, se jette à travers le monde et très patriote, sans se douter de rien. Mais inefficace. Alors, pour les besoins du film, il finit toujours par retomber sur ses pattes et à accomplir la mission, mais quand même, voilà. Et c'est assez symptomatique, finalement, de la façon dont les Français se perçoivent en tant que puissance géopolitique. C'est l'héritage de la guerre froide, c'est-à-dire que pendant la guerre froide, et on le voit à travers des films comme, par exemple, celui d'Henri Verneuil, Le Serpent, qui est un film très réaliste sur l'espionnage, pour tourner ce film, il prend des grandes vedettes américaines, Henri Fonda, Yul Brynner, etc., et il prend un cadre où, certes, la France apparaît, mais par raccro, dans un affrontement bloc contre bloc, Amérique contre URSS. Anaïs Quin. Et puis ce film d'Henri Verneuil est très tardif, 1973 je crois. Oui, 1973. Alors, ça dépend de ce que vous appelez tardif. Effectivement, dans les années 50-60, le cinéma français produit surtout des pochades, des films de série B sans grande dimension géopolitique. Donc, c'est les fameux OSS 117 première époque ou les Gorilles, mais qui sont des films... Avec Roger Hanna dans le rôle titre. Voilà, avec Roger Hanna. Ça a été un peu éclipsé par Navarro, mais effectivement, il a fait ça aussi. Donc je dirais que cette époque est peut-être moins intéressante pour l'historien, parce que ce sont certes des films chargés d'idéologie, mais qui sont des films de série B, de consommation courante, et qui atteignent rarement les sommets du box-office. Et effectivement, dans les années 70-80, on saisit quand même un certain nombre de frémissements, de films intéressants qui sont faits, y compris d'un point de vue cinéphilique. Mais un réalisateur comme Michel Deville, par exemple, réalise un film remarquable qui s'appelle Le Dossier 51, qui a peu de succès en salle, mais qui est aujourd'hui un classique de ce cinéma. 15 ans plus tard, Éric Rochant, avec Les Patriotes, réalisera ce qui est un des grands films d'espionnage à la française. Mais là aussi, il se sent obligé, à partir d'un personnage français, d'élargir le cadre et de se transporter vers des enjeux moyen-orientaux. C'est-à-dire que la France en elle-même n'est pas suffisante avec son petit ex-empire colonial ou ses petites affaires type Rainbow Warrior. La France n'est pas de taille à elle seule à fournir des grands enjeux géopolitiques. Et donc, vous considéreriez, vous qui avez travaillé beaucoup sur la question du cinéma populaire, Yannick Deway, que au bout du compte, la France, justement, a du mal avec cette question de l'espionnage ? Ben, la France n'est pas très à l'aise, même si elle y entre. D'abord, elle consomme énormément de littérature et de feuilletons et films britanniques et américains, qui sont deux cultures qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Comparer, par exemple, chapeau melon et bottes de cuir avec un feuilleton américain de la même époque, avec chapeau melon et bottes de cuir, on est dans le 3e, 4e, 5e degré. Enfin, il y a tellement ou Casino Royale, qui prend justement la figure de 007, mais le Casino Royale de l'époque anglaise, effectivement. Le Casino Royale, Époque. Qui se moque, effectivement, de la question de l'espionnage aussi. Voilà. Et évidemment, la figure de James Bond, qui, même s'il est de plus en plus produit par des capitaux américains, continue à véhiculer un point de vue britannique sur ces enjeux géopolitiques, y compris dans le tout dernier Skyfall, qui tourne vraiment autour de la question de savoir quelle est la place que prennent les services de renseignement dans la démocratie britannique. Alors Stéphane Genet, bonjour, vous avez été publié par Nouveau Monde, donc pour votre livre cette année, donc pour votre livre sur les espions des Lumières. Je vous entendais discuter de quelque chose qui est une discussion récurrente chez ceux qui sont intéressés de près ou loin à cette question des espions. Quand on discute avec les historiens qui travaillent là-dessus, vous discutiez de ça juste avant l'émission avec Aude Sirier. Vous dites, on est en France, on n'est pas dans un pays anglo-saxon, c'est bien dommage parce que là-bas, on nous prendrait au sérieux plus qu'aujourd'hui, puisqu'on nous prend au sérieux aujourd'hui, en l'occurrence. C'était une discussion un peu thérapie de groupe. Hein, quand les historiens de l'espionnage se rencontrent entre eux. On donne les secrets de la fabrique de l'histoire. Donc, voilà. Les historiens de l'espionnage se rencontrent entre eux, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, les historiens français de l'espionnage se rencontrent entre eux. Déjà, c'est facile parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et ensuite. Par exemple, vous n'étiez jamais rencontré avec Non, absolument pas. Absolument pas. Et c'est. Je suis très content de rencontrer d'autres historiens qui travaillent sur ce sujet. Et donc, généralement, on a besoin de faire part de notre sentiment de solitude sur ces sujets et effectivement d'une certaine désapprobation, parce qu'il faut bien comprendre que pour la science historique française, pendant très longtemps, alors c'est moins vrai, c'est ce qu'on disait récemment, mais pendant très longtemps, en fait, les historiens ne considéraient pas que c'était un sujet sérieux, que c'était un sujet d'étude vraiment. Généralement, ils levaient un sourcil interrogateur ou suspicieux quand on énonçait notre sujet de recherche. Et c'est vrai qu'on avait parfois du mal à travailler sur ces sujets. Et en comparaison, je me souviens d'un colloque à l'école militaire il y a quelques années où effectivement... l'ambiance était plutôt dépressive et où on disait effectivement on a du mal à exister dans le paysage français alors qu'il y a des traditions à l'étranger. Absolument. En Angleterre, en Israël notamment, où les espions sont héroïsés et font partie du panthéon national et deviennent véritablement des figures d'études. Absolument, il y a une expérience toute simple à faire s'il s'agit d'aller dans une librairie anglaise et de regarder par exemple à Londres, à Waterstones par exemple, et de regarder dans les rayonnages de livres d'histoire, vous verrez un rayonnage entier, et c'est même la taille d'une bibliothèque, hein, sur l'histoire de l'espionnage. Et on peut faire la même expérience en France dans n'importe quelle librairie, et vous verrez le nombre de titres. Heureusement, Nouveau Monde travaille pour augmenter le nombre de titres, mais c'est quand même assez révélateur. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme un sujet sérieux, donc généralement on le laisse aux anciens du métier, hein, comme on dit. Les anciens du métier, c'est des anciens espions. C'est ça, exactement. Anciens de la DST, de la GSE. Et ce sont souvent des témoignages, des récits qui peuvent être très intéressants par ailleurs, mais qui n'ont pas forcément la dimension historique. Et les historiens, c'est vrai... ne s'intéresse pas vraiment à ce sujet. Il faut voir que quand même, ça a été longtemps corrélé à l'histoire militaire aussi. Sachant que l'histoire militaire elle-même a subi une certaine désapprobation, vous avez des causes cumulatives, quoi. Vous avez quand même eu des exemples, et je crois que c'est lui qui a dirigé votre thèse, de Lucien Bély, par exemple, avec Absolument. L'ambassadeur, qui est quand même un grand livre, justement, qui permet de se poser cette question-là de façon historienne. Et c'était il y a quoi, une vingtaine d'années que Lucien Bély a publié ça? Oui, c'était très novateur, et c'est justement ce dont nous discutions tout à l'heure en privé. Effectivement, c'était très novateur et ça a ouvert le champ à d'autres recherches, dont la mienne notamment. Mais effectivement, c'est malgré ce travail novateur reconnu, on peut quand même compter le nombre de publications sur ces questions-là en comparaison de d'autres sujets. Aude Sirier, bonjour. Comment êtes-vous passé, rebonjour, puisque vous êtes intervenu en tout début d'émission, comment êtes-vous passé, vous, d'une famille de Toscane, donc, qui était le sujet de votre thèse, soutenue à l'Université de Poitiers, sous la direction de Martin Aurel, à cette question de l'espionnage un peu plus tard, en l'occurrence, au Thierrier ? Eh bien, la réponse est toute simple. C'est que, à propos de cette famille, un des membres de cette famille, en 1256, envoyait une lettre un noble envoie une lettre à la commune de Sienne, dont il est le fidèle et serviteur. et dans laquelle il dénonce une conjuration qui est organisée par ses propres cousins, donc en famille, hein, et d'autres ennemis de la commune. Il leur dit, voilà, à tel endroit vont se réunir le comte Aldobrandeschi, qui est un autre grand comte toscan, donc ennemi de Sienne, avec telle ou telle personne, et ils sont en train d'élaborer une conjuration avec Florence. Donc ma question, un petit peu, je dirais naïve à l'époque, était de me dire, mais pourquoi ce noble qui a tout, puisqu'il était déjà au service de la commune, il avait grandi à l'ombre de ses palais, pourquoi se fait-il l'espion comme ça de la commune? Et puis la question m'a vraiment intéressée, j'ai commencé à creuser, et là je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse documentaire qui était insoupçonnable. Et qu'on arrivait à comprendre, enfin, à mettre en lumière finalement la véritable existence de ces espions. Il y a un véritable phénomène institutionnel. Il y a des offices des espions dès la moitié du XIIIe siècle en Italie. 1250. 1250, à peu près, même plus tôt, on trouve des espions. Après, l'office en tant que tel apparaît vers 1250. Et on a dans les sources, notamment, donc on en parlait avec Stéphane Genet tout à l'heure, des sources fiscales, hein, puisqu'en fait, tout est enregistré, toutes les dépenses sont faites. On dit, pour le mois de mai 1252, on a payé 4 florins à Ranuccio, qui a été envoyé comme espion à Florence pour son voyage de 3 jours. Et on a toutes les missions qui sont décrites comme ça. Et il y en a des quantités incroyables. Anaïs. Et ce qui vous étonnait, c'était que cet homme extrêmement intégré, qui bénéficie d'une réussite sociale, finalement occupe un poste d'agent de renseignement, c'est qui ça. Est plutôt qu'on raccorde plutôt à de la marginalité habituellement. C'était ma question, c'était pourquoi fait-il cela? Est-ce que c'est marginal ou est-ce que ça ne l'est pas? Et en fait, non, ça n'est pas marginal du tout, parce que quand on étudie après les délibérations du conseil de la ville, dans lesquelles on enregistre toutes les lettres qui sont lues pendant les conseils, qui sont envoyées, adressées à la commune, au gouvernement, et on se rend compte que tous les nobles, en fait, qui sont dans ce qu'on appelle le contado, qui est le plat pays, le territoire qui dépend de la ville, en l'occurrence de Sienne, tiennent informé en permanence le gouvernement de ce qui s'y passe. Alors, il faut bien rappeler qu'on est à l'époque de la guerre, enfin, des guerres, parce que ça n'arrête pas, jusqu'encore aujourd'hui, entre Sienne et Florence, il y a une opposition permanente, on est entre les guelfes et les gibelins, le pape et l'empereur, des intérêts des banquiers, notamment, hein, aussi, qui sont en jeu. Donc, tout le monde, en fait, c'est ça. Tout le monde participe au réseau de renseignement à différents niveaux. Il y a ceux qui participent de façon occasionnelle et il y a ceux qui participent de façon institutionnelle. Et parce qu'on se pose cette question pour des nations modernes et contemporaines, qu'en est-il justement de la façon dont sont représentées ces personnes, surtout quand elles sont envoyées justement dans la ville adverse pour pouvoir ramener du renseignement? C'est une vision positive, une vision négative? Est-ce que ces Siennois, puisqu'ils sont reconnus, ils sont payés, ils sont décrits dans les documents administratifs, sont bien vus des autres Siennois ou pas? Alors, c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a une première prestation de serment qu'on trouve, qui est faite par les officiers des communes, qui dit, lorsqu'ils prêtent serment, je ne me ferai pas l'espion au détriment de la ville, au détriment de nos intérêts, etc. Et en même temps, ces mêmes officiers, qui sont les podestas, les capitaines du peuple, qui sont vraiment les détenteurs du pouvoir, ceux qui gouvernent, ces mêmes gens envoient donc des espions, puisqu'on a des cas où on voit que c'est Ranieri, ami du podestat, qui est envoyé à Florence, etc. Donc, il y a cette ambivalence, toujours. Donc, c'est un mal nécessaire, je dirais. On décrit les pratiques, on dit surtout, jamais je ne ferai ça. Mais en revanche, on envoie des espions partout pour savoir ce qui se passe. Et il en va de l'intérêt de la commune. Et c'est cette notion de bien commun, de la commune, enfin de presque la raison d'État, je dirais. Alors ça, c'est intéressant parce que vous utilisez un mot, un groupe de mots mal nécessaire qui est utilisé par certains historiens ou sociologues de la cause de l'espionnage, en particulier Alain de Werp, qui hésite justement entre, avec cette vision d'un espion qui serait à la fois un mal nécessaire et d'autre côté qui serait un poison aussi pour la démocratie aujourd'hui ou pour les périodes plus anciennes. Alors vous évoquez cela dans votre livre Stéphane Genet paru donc aux éditions Nouveau Monde pour le 18e siècle. C'est un vilain métier que d'espionner. En l'occurrence, c'est ce que nous dit la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie française à la fin du 18e siècle. Oui, en fait, je retrouve beaucoup de choses, effectivement, dans ma période par rapport à ce qui a pu être dit sur le Moyen-Âge. Y a un théoricien militaire allemand qui s'appelle Georges Faes qui disait « Un homme d'honneur ne fera jamais ce métier ». Donc tout est résumé hein, par cette phrase, c'est-à-dire que c'est très mal vu, c'est très mal considéré. Nous sommes à une époque au XVIIIe siècle où la guerre est codifiée par des règles encore aristocratiques. Hein, et ces valeurs aristocratiques ne vont pas trop bien avec les hommes vils, les êtres vils qu'on envoie pour espionner justement. C'est ça, et on sent cette hésitation, notamment quand on lit les théoriciens militaires, on sent cette hésitation où à la fois ils disent « bon bah oui c'est nécessaire, on va vous expliquer, parce qu'ils s'adressent à un lectorat d'officiers, on va vous expliquer comment faut faire, mais vraiment ça nous dérange de vous l'expliquer ». Parce que vraiment, c'est des gens dont il faut se méfier, qui en plus vont vous raconter des bêtises. En plus, il faut les payer très cher. C'est ces sortes de gens qui sont des misérables. Donc, il y a une évaluation morale très, très dure. Finalement, tous les espions sont soupçonnés de mercenariat d'une certaine façon. Oui, absolument. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ne conçoivent pas au XVIIIe siècle d'autres causes. Et alors, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est quand les Français se trouvent en Hesse lors de la guerre de 7 ans, ils se retrouvent confrontés à un phénomène qu'ils ne comprennent pas, qui est de l'espionnage par sentiment national. C'est-à-dire qu'on voit émerger en Allemagne, dans les terres allemandes, un sentiment national, voilà, des Allemands favorables finalement à Frédéric II, à la cause prussienne. Et les Français ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils disent on ne peut pas déplacer un soldat sans que le paysan parte en avertir l'ennemi. Et ils disent, mais pourquoi font-ils cela? Et alors, la seule cause qu'ils trouvent, c'est du fanatisme religieux. Ils disent, ils font ça par religion. Et ils n'ont pas dans leur grille de lecture mentale, finalement, l'idée qu'ils peuvent agir par sentiment national. C'est amusant, puisque si on replaque ça sur la réalité contemporaine, en particulier ce qui se passe au Proche-Orient, on pourrait se poser des questions, justement, ou en Afghanistan. Sur ce point, Yannick Dehé. Oui, deux remarques. D'abord, l'espion, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'étranger. Oui, parce que sinon, on fait du renseignement soi-même. On ne fait pas d'espionnage, on fait du renseignement. On est agent. Du point de vue de celui qui parle, on fait du renseignement, on fait surtout de la contre-ingérence et du contre-espionnage, ouais. Parce que le pays grouille d'espions. l'un des articles de ce dossier, justement, celui d'Olivier Forcade, raconte comment l'action française dans le temps s'est des construit médias. Avant la Première Guerre mondiale, une crédibilité politique en dénonçant non seulement les activités d'un certain nombre d'espions allemands supposés en France, mais aussi en dénonçant des entreprises allemandes comme Magie ou Cube qui, soi-disant, mettaient des messages secrets et des signaux pour une prochaine invasion derrière leurs panneaux publicitaires. Périne Cavrand nous en a parlé il n'y a pas très longtemps. Complètement faux. Donc, l'espion, c'est forcément l'autre, celui d'en face. Et on ne fait que s'en protéger. Et d'ailleurs, la conséquence de ça, c'est que dans le droit international, à la fois l'espionnage est quelque chose qui n'est pas censé exister, mais qu'on est quand même censé réguler. Donc, il y a toujours des arrangements in fine. C'est pour ça qu'il y a des échanges d'espions. C'est-à-dire quand on capture des espions d'en face, on finit par se les échanger parce qu'il faut bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre. Thank you. C'est l'année même de la chute du mur de Berlin que John Zorn nous offrait donc cette version très grinçante du générique de James Bond, variation autour d'un même thème. Alors, Aude Sirier, ce qui est intéressant dans votre période, puisque c'est peut-être une des périodes les plus anciennes pour laquelle on puisse consulter des documents, en tout cas dans l'histoire européenne, sur cette question-là des espions, hormis peut-être les espions dans la Rome antique, mais en l'occurrence... ce qui est intéressant, c'est que cette question qui était posée, à savoir espion de chez soi, pour chez soi ou espion pour l'extérieur, les cités italiennes florentines ou toscanes du 12e, 13e siècle se posent déjà la question. C'est-à-dire au 13e siècle, on se demande qui on espionne. Est-ce qu'on espionne sa population ou est-ce qu'on espionne ceux d'en face? Et ça n'est pas la même fonction. Ce ne sont pas les mêmes appellations. On a très clairement une dichotomie, je dirais, entre le renseignement intérieur et le renseignement extérieur. Mmh. Pour le renseignement intérieur, on va employer les termes de délator et d'accusator, donc de délateur et d'accusateur secret, en général qualifiés, qui vont en fait être des espions, je dirais, du quotidien, hein, qui rappellent un petit peu les sycophantes dont parlait Aristote dans la politique, qui vont dénoncer ici des gens qui pratiquent le jeu alors que c'est interdit, ou enfin c'est un peu un mélange de RG et de DST, et c'est ça, voilà, un petit peu. Et puis de l'autre côté, on a les termes de spia et d'explorateur qui sont vraiment consacrés, je dirais, à l'espionnage extérieur. Et comment les recrute-t-on, ces espions? Il y a un profil type de l'espion de la cité de Sienne ou de la cité de Florence? Non, puisque tout le monde se fait l'espion, finalement. C'est très facile. Mais on a, par contre, on peut très facilement, et c'est, je pense que ça vaut pour toutes les périodes, il y a quatre piliers sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont l'argent, l'idéologie, la contrainte, d'une manière peut-être physique, et l'ego qu'on va flatter. Mmh. Je dirais qu'on recrute à tous les niveaux, absolument à tous les niveaux, de la femme jusqu'aux prêtres, jusqu'aux cardinaux à Rome, enfin tout le monde. Anaïs, ce qui est étonnant lorsqu'on vous lit, Thierrier, c'est qu'on voit qu'il y a énormément d'archives qui nous renseignent finalement à la fois sur la rémunération des espions, sur la nature des renseignements qu'ils donnent, et cela va vraiment finalement complètement à contre-pied de cette légende entretenue depuis très longtemps sur ces activités illisibles, invisibles et du coup incontrôlables par le pouvoir légal. Et elles sont complètement contrôlables de toute façon, ces activités. C'est-à-dire qu'un espion qui est pris en flagrant délit, alors il y a deux flagrants délits, il y a celui qui est pris en flagrant délit de trahison, qui en général finit décapité sur la place publique pour servir d'exemple, et on a celui qui est pris en flagrant délit et qui est renvoyé à sa commune d'origine, et en général mutilé, un pied en moins, histoire de faire comprendre que... En l'occurrence, Stéphane Genet, vous qui travaillez donc sur ces espions, et en particulier ces espions d'armée, qui est une catégorie un peu particulière au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, des espions de l'époque, ce que vous entendez, ça correspond à ce qu'on lit quand on vous lit, en l'occurrence, à savoir c'est ce quatuor, la contrainte, c'est le déserteur ou c'est le prisonnier qu'on va évidemment torturer d'une façon ou d'une autre pour lui faire donner quelques renseignements, etc., etc. Oui, il y a des permanences, hein. Il y a un certain temps long de l'espionnage avec beaucoup d'éléments qu'on retrouve. Peut-être une différence par rapport au Moyen-Âge, c'est sur la façon de les recruter, parce qu'au XVIIIe siècle, énormément d'espions s'offrent d'eux-mêmes, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils envoient des lettres, hein, à l'officier qui est proche de chez eux. Des offres de service, quoi. Absolument. Et ils disent, voilà, je parle plusieurs langues étrangères, je voyage beaucoup, je peux vous apporter des informations importantes. Et d'ailleurs, j'en ai apporté à un précédent officier. Et la majeure partie des espions, en fait, sont recrutés, je dirais, par candidature spontanée. Et finalement, il y a des CV, vous avez retrouvé des CV? Absolument, absolument. Et vraiment, ils décrivent tout ce qu'ils ont pu faire. Et on a souvent l'avis de l'officier ou du ministre sur la lettre en disant ça peut être intéressant ou peut-être qu'on va le prendre ou pas. Alors, on avait fait ici une semaine sur Casanova, évidemment, espion parmi les espions de ce XVIIIe siècle. Mais est-ce qu'il ne masque pas une figure comme celle de Casanova? Ne masque-t-elle pas justement cette espèce de fouillis de ces dizaines et dizaines d'agents de renseignement de divers niveaux? D'ailleurs, ça peut être un paysan dans une province qu'on vient de conquérir, à qui on demande du renseignement, mais ça peut être effectivement un ambassadeur ou d'autres types de personnages comme cela. Oui, alors effectivement, Casanova est un espion de haut vol. Il y en a quelques-uns comme ça. Ce sont les plus rares. Ce sont les agents qu'on recrute un peu, les aventuriers du 18e, des personnalités un peu fantasques, qui passent d'une cour à une autre. Mais comme vous le dites, effectivement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que pour quelques-uns qui sont connus et qui ressortent un petit peu du maquis impénétrable de cette multitude d'espions, effectivement, on a de tout. On a absolument de tout, y compris des gens, je dirais, tout à fait ordinaires. Anaïs. Oui, Yannick Deux, et peut-être cette mauvaise réputation des espions ne vient-elle pas aussi du fait que tout espion est censé recruter d'autres espions, d'autres agents. Mais pour cela, on exploite une forme de misère sociale. On va chercher les gens qui demandent de l'argent, qui sont dans les situations difficiles. On utilise le chantage. On va voir les personnes qui sont en faillite. On est finalement dans une exploitation de la misère sociale, une représentation très noire de ces agents qui vont tirer les pires ressorts d'une société pour pouvoir finalement en assurer la sécurité. Oui et non. Les meilleurs espions sont ceux qui sont les plus haut placés sur l'échelle sociale. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on... Parce qu'ils ont plus de renseignements. Ils ont plus de renseignements, même si on peut, tout en bas de l'échelle sociale, tomber sur des renseignements tout à fait utiles. Je crois qu'il y a des cultures politiques de l'espionnage ou du renseignement. C'est-à-dire que, prenons deux exemples concrets, en Grande-Bretagne ou en Israël, l'espionnage est une chose extrêmement noble, extrêmement valorisée. C'est un honneur que d'entrer dans les services de renseignement. On est recruté à Oxford ou à Cambridge par ses propres professeurs qui sont en quelque sorte des aiguilleurs ou des alerteurs pour les services, parfois étant eux-mêmes des anciens des services. Donc il y a une certaine noblesse. On communique sur ces espions. Et on communique là-dessus. Il y a toute une geste héroïque, plus ou moins héroïque. Que ce soit en particulier en Israël, vous avez toute une littérature hagiographique sur les exploits formidables de ces espions patriotes qui ont permis à chaque fois de sauver le pays, etc. etc. Bon, en France, on passe un concours administratif. Ça fait moins rêver. Et puis après, on a une enquête de sécurité. Et éventuellement, aujourd'hui, on ouvre un tout petit peu en essayant de recruter des profils extrêmement spécifique, que ce soit au Langso, que ce soit en cryptographie. Donc il y a une ouverture quand même des services à un certain nombre de compétences, mais enfin ça reste quand même quelque chose de terriblement administratif. Donc c'est moins glamour, forcément. Ce que disait tout à l'heure Anaïs, à savoir le fait qu'il y avait des archives, et ce que nous prouvent les travaux d'Aude Sirier ou encore de Stéphane Genet, mais est-ce que ces archives n'avaient pas d'une certaine façon été vues? Est-ce que ça n'a pas été une excellente excuse pour ne pas traiter ces sujets-là? C'est-à-dire que jusqu'au bout du compte, ces archives étant disponibles, on disait non, il n'y a rien, il ne peut rien avoir, évidemment c'est de l'action secrète, donc on ne peut rien savoir. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'il y a des fortes ressources, des ressources très importantes, et qu'on peut les exploiter, justement. Alors, effectivement, contrairement à une idée reçue, les services de renseignement sont des administrations qui produisent un nombre considérable de papiers. C'est-à-dire, c'est impressionnant, tout le papier qu'elles produisent. Donc oui, des archives, il y en a. Alors après, paradoxalement, c'est sans doute plus simple de travailler sur l'époque médiévale ou moderne, parce qu'il n'y a pas de restrictions aux archives. Il y a évidemment des archives qui ont disparu, mais enfin, celles qui existent, on y a accès, ça, il n'y a pas de problème. Alors qu'en gros, dès qu'on s'attaque à l'après-1945, ça devient tout de suite très compliqué, du moins en France. Aux États-Unis, où les services d'espionnage ont beaucoup de choses à se reprocher, il y a au moins un mérite qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'il y a une obligation légale d'ouverture d'archives assez rapide. Alors, tout de même, ce qui est intéressant dans cette affaire, quand on travaille sur l'histoire de l'espionnage comme vous, Aude Sirier, c'est qu'on se pose la question de l'efficacité. Et dans toutes les autres périodes, évidemment, on se demande si les espions qu'on paye, qu'on recrute, sont efficaces. Est-ce que cette question se pose véritablement pour ceux qui commanditent justement cet espionnage dans les cités siennoises, florentines, toscanes du XIIIe ou du XIVe siècle? Ou est-ce qu'au bout du compte, on ne se pose pas la question, on fait venir du renseignement, on fait venir des informations et on s'en débrouille? Alors, j'aurais envie de dire, on récolte à tout va et on essaye de glaner le plus possible d'informations. On fait le tri, tout est lu en conseil communal. Hein, donc, il y a des décisions qui sont prises à partir de là. On sait maintenant, parce que les sources en parlent, que on on a des exemples de complots qui sont déjoués, de tentatives d'assassinat qui sont déjouées, et voire même, parce que c'est aussi une des fonctions de l'espion, c'est un espion qui va faire du renseignement, mais qui fait plus si besoin. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à leur demander de se salir les mains et d'aller notamment près d'un camp adverse déposer alors une espèce de poudre magique. Les termes sont assez drôles dans la documentation qui est en fait un poison pour aller empoisonner les soldats ennemis dans leur camp. Ah oui, donc on ne fait pas que du renseignement, on agit. On ne fait pas que du renseignement, on agit aussi. Alors, c'est intéressant parce que je crois que dans vos sources à vous, Stéphane Genet, pour Les Espions des Lumières, c'est une question qui taraude tous les commanditaires d'espions, c'est de savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire de cette information. On n'en est pas sûr. Est-ce que c'est vraiment utile? Citant Frédéric II, évidemment, qui disait si on savait toujours d'avance les desseins de l'ennemi, on ne manquerait jamais de lui être supérieur avec une armée inférieure. Il dit, et vous mentionnez cela, tous les généraux qui commandent des armées tentent de se procurer cet avantage, mais il n'y en a guère qui réussissent. Donc effectivement, cette information, tout le monde essaye d'en avoir, mais au bout du compte, est-ce que ça aide vraiment aux décisions, en particulier aux décisions militaires, donc dans un siècle où on a beaucoup fait la guerre, Stéphane Genet? Oui, alors en fait, effectivement, c'est un gros sujet d'interrogation pour tous les officiers, pour tous les ministres, à savoir est-ce que c'est vraiment utile et qu'est-ce que cette information m'apporte. En fait, il y a un paradoxe énorme qui est que l'information est apportée par des gens auxquels on n'accorde aucun crédit. C'est-à-dire des gens de peu de foi, des gens absolument jugés immoraux. Et donc, par principe même, l'information, on considère qu'elle n'a pas de valeur puisque ce sont des gens immoraux qui la transmettent. Alors, malgré tout... C'est un problème, ça. Bah oui, parce qu'on voudrait qu'il soit à la fois honnête homme... d'une certaine façon, ça serait... Mais aventurier, c'est-à-dire qu'il soit les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il soit un peu dans les bouges, dans des endroits où c'est un peu malfamé, mais en même temps qu'il soit des honnêtes hommes, c'est ça. C'est l'archétype de l'espion du XVIIIe. C'est-à-dire au XVIIIe siècle, l'espion, en fait, dans les qualités qu'on lui attribue, on condense un peu tous les archétypes de l'honnête homme du XVIIIe siècle, qui est capable de parler toutes les langues, de se mêler à bonne compagnie, d'avoir des bons renseignements, mais à côté de ça... Et des bonnes mœurs aussi. Absolument. Il faut qu'il soit dans déjà la qu'il bonne est moral, manquerait plus qu'il ait des mauvaises mœurs. Donc, il est moral par sa condition même d'espion. Et alors en fait, quand on apporte des informations, effectivement, le gros problème, c'est qu'une fois qu'on a l'information, généralement, très souvent, les officiers, les ministres, les décideurs n'y croient pas. Et alors, il faut plusieurs informations concordantes pour qu'ils aient un doute. Et alors, souvent, ils y croient quand ça va dans le sens de leurs intuitions. Eh oui. Parce qu'évidemment, si ça contredit évidemment ce qu'ils espèrent, au bout du compte, ils n'y croient pas forcément. Oui, c'est ça. En fait, finalement, ils accordent du crédit quand ça confirme leur sentiment, en fait. Et comment un franciscain de la plus belle eau, du côté de Sienne au XIIIe siècle, peut-il s'adonner à cette passion donc de l'espionnage sans que ça lui pose de problèmes moraux? Vous savez ça, au Thierry, vous avez trouvé ça dans les archives? Vous avez trouvé le franciscain? Oui, j'en ai trouvé plusieurs, plusieurs. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse. C'est sa conscience. Je pense que c'est par... encore une fois, c'est toujours par intérêt. Hein. C'est un intérêt pour l'ordre, c'est un intérêt pour le monastère dans lequel il vit. Y a des questions. Mais il va jusqu'à provoquer la zizanie dans le camp adverse. Donc, d'une certaine façon, il met le désordre chez les autres pour que son ordre soit maintenu dans sa cité, par exemple. Après, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas tant sa condition de franciscain ou de moine qui veut ça. Enfin, qui pose problème. C'est l'espion qu'on envoie semer la zizanie. Après, si l'espion est un moine. En fait, ils sont plus. On pense qu'ils sont plus crédibles auprès des ennemis. On ne va pas les soupçonner. Ce qui, n'est pas forcément. Yannick Dehaye, c'est une bonne couverture en tous les cas d'être un moine. Voilà. Ouais, je note quand même que la définition de l'espion que vous avez donnée tout à l'heure recoupe d'assez près celle du bon journaliste d'investigation. Mais pour revenir à cette question de la mauvaise réputation de l'espion, d'abord c'est quelque chose qui continue sur l'époque contemporaine. Je citerai par exemple le cas du recrutement par les services du deuxième bureau français de Hans-Thilo Schmidt, qui était le frère d'un général allemand, qui a informé de manière extrêmement précise les services français dans les années 30 sur les plans d'attaque de Hitler. Ces avertissements n'ont absolument pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment toutes les informations d'une très grande qualité et ça n'a été absolument pas pris en compte. Alors, ça a quand même permis, il a quand même donné par ailleurs des informations qui ont permis plus tard aux Britanniques le décodage de la machine de cryptologie Enigma. Donc ça a été quand même une expérience positive. Mais pour dire que cette mauvaise réputation l'agitation continue aujourd'hui. Les présidents français de la Ve République, que ce soit De Gaulle, au moment de l'affaire Ben Barka, il dit « cette affaire n'a rien que de subalterne », c'est-à-dire son mépris pour les barbouzes. François Mitterrand, qui avait vécu l'affaire cuisante des fiches et qui, même quand on lui apporte sur un plateau Farwell, comme on l'a raconté, se méfie. Donc ça continue largement jusqu'à aujourd'hui. Anaïs. Et puis ces renseignements secrets ne sont pas suffisants finalement. Utiliser ces renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire, ça devient très compliqué. Là, je fais référence notamment, et j'imagine qu'il y en a d'autres, des histoires de ce type-là, aux époux Rosenberg qui sont accusés grâce à des renseignements secrets récoltés dans le cadre de l'opération Venona, donc un système de décryptage des communications entre soviétiques, mais les Américains ne peuvent pas utiliser ces renseignements au risque de dévoiler leur arme, Venona, et vont aller chercher des preuves ailleurs. Donc là, on voit bien aussi les limites, finalement, du renseignement dans l'efficacité de la procédure jusqu'à son terme. Il arrive fréquemment que aujourd'hui on dispose par exemple de désignations, de notes blanches qui disent un tel est un terroriste, mais qu'on n'ait pas de preuves. C'est-à-dire c'est l'intime conviction d'un officier de renseignement qui sur le terrain, en fonction d'un certain nombre d'informations, d'informateurs, dit voilà, un tel est un... Mais en procédure judiciaire, qui est ce qui doit compter devant un tribunal, on est absolument incapable de le prouver. Donc il n'y a pas de valeur légale finalement au renseignement. Donc le renseignement et le renseignement de type service secret et l'enquête judiciaire sont deux mondes complètement séparés qui souvent ont du mal à collaborer. Est-ce qu'une des grandes différences entre votre période et peut-être celle d'autres Syriens aussi, Stéphane Genet, et ce que vient de décrire à l'instant même Yannick Dehaye, ça n'est pas la question de l'opinion publique. C'est-à-dire, on dit, est-ce qu'il y avait-il une opinion publique à l'époque des Lumières? Ces questions-là, elle est débattue. Le numéro de Vacarme qui va sortir, donc sur les espions, il sort parce qu'il y a le débat autour de la NSA, de l'affaire Snowden, des Wikileaks et de tout ce qui a été découvert, des écoutes en particulier de NSA, des citoyens que vous êtes et que nous sommes tous au bout du compte. Il y a un débat autour de cette question-là. Ce débat existe-t-il dans la société du 18e, en l'occurrence C'est très difficile à appréhender parce que l'opinion, évidemment, au 18e siècle, est un concept un peu complexe à visualiser. En revanche, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est quand on capture, en fait, il y avait à Québec un otage qui était détenu, qui va fournir finalement des renseignements aux Anglais. Il était redétenu. Au moment des batailles des plaines d'Abraham. Absolument, un petit peu avant. Il fournit un plan pour l'attaque d'un fort alors qu'il était détenu en tant qu'otage. Et alors, du coup, il y a un procès qui s'ouvre, ce qui est très rare pour l'époque, un procès pour espionnage. Et donc, on va le juger en tant qu'espion parce qu'il a trahi ses engagements en tant qu'otage. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un débat s'ouvre dans les salons cultivés de la colonie, mais aussi, j'allais dire, en métropole, où finalement, on s'interroge sur ce cas, sur la question, peut-on juger un otage pour des faits d'espionnage qu'il a commis dans une période où, en théorie, la France et l'Angleterre sont en paix. Vous savez que les batailles continuent en Amérique du Nord, mais dans cette période-là, normalement, la France et l'Angleterre sont en paix. Et donc là, on a un vrai débat qui s'ouvre, où, en fait, ça va être un débat sur des considérations, je dirais, strictement juridiques. Mais l'opinion par rapport à l'espionnage, je dirais, au XVIIIe siècle, quand tout ce qu'on peut lire des écrits sur l'espionnage, c'est réglé. C'est-à-dire que l'espionnage, c'est nécessaire, on a recours, et c'est pas agréable, mais il faut bien y passer par là, et les espions, de toute façon, sont des gens qu'on considère mal. Même chose au Thierrier, dans la cité italienne toscane du XIVe siècle. Oui, je pense que c'est à peu près la même chose. Bon, évidemment, pour le Moyen-Âge, l'opinion... d'essayer de mettre en lumière l'opinion publique, pas un petit peu difficile, mais il y avait une très belle formule de Werner Paravicini qui disait « Informer le roi, et ça vaut pour toutes les puissances, est un devoir, ne pas le faire est un crime. » Et je pense que ça résume assez bien finalement... L'état d'esprit. On doit le faire parce que on est membre d'une communauté, on est fidèle, on est si on est un noble puissant du contado, on va prêter un serment à la ville dans laquelle on va prêter le fameux auxilium et concilium, l'aide et le conseil, Et je pense que ça fait, c'est vraiment partie intégrante, finalement, des mentalités de l'époque. Alors, moi, j'ai découvert quelque chose en vous lisant, mais je me trompe peut-être. J'ai découvert l'expression « intelligent service ». Je ne savais pas que ça pouvait venir de cette idée qu'on donnait, en l'occurrence, Stéphane Genet, comme première des qualités à un espion, l'intelligence. Est-ce que ça a un rapport, justement, avec ce terme qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir, à l'intelligence économique, etc., parler de ce nouveau mode d'espionnage du 20e et du 21e siècle, en l'occurrence, Stéphane Genet. Le terme d'intelligence, c'est très ancien, en fait. J'avais fait une petite étude étymologique pour retrouver les différents mots de mon sujet, et en fait un vieux terme pour désigner espion, c'était intelligencier, et donc quelqu'un qui était considéré comme pratiquant effectivement de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est la première qualité attendue des espions, parce qu'évidemment la mission qu'on lui confie est une mission parfois difficile, une mission dont il doit comprendre les tenants et les aboutissants. Il doit avoir une bonne information et doit être capable de rapporter cette information de façon claire et intelligible à son commanditaire. Donc effectivement, c'est vraiment la vertu cardinale qui est attendu des espions. Et donc, c'est vraiment pas anodin du tout de retrouver ce terme. Yannick Dehaye, quand on travaille depuis un certain temps comme vous dans votre maison d'édition sur cette popularisation, pourrait-on dire, d'un secteur de l'histoire, qui est le secteur de l'histoire de l'espionnage, du renseignement, etc., on est parfois un peu désarçonné de la réception des livres qu'on produit, on est surpris en bien ou en mal de la réception par les pairs, en particulier les autres historiens, de ce nouveau champ de l'historiographie. Alors d'abord, on publie effectivement pas mal d'ouvrages touchant aux renseignements, qui sont de plusieurs registres. C'est-à-dire qu'on a une collection qui s'appelle Le Grand Jeu, dirigée par Olivier Forcade et Sébastien Laurent, qui accueille, par exemple, le livre de Stéphane Genet et bien d'autres travaux universitaires, qui est une collection stricto sensu universitaire, même si on essaye de rendre les ouvrages les plus accessibles possibles au grand public, puisque justement, ils touchent à des sujets qui peuvent intéresser un large lectorat. Et puis, on accueille aussi des ouvrages qui peuvent être soit des témoignages, comme le témoignage de Raymond Nart ou Jacky Debin, que vous avez reçu, ou des ouvrages plus journalistiques, tout simplement parce qu'il n'est pas possible, si on s'intéresse aux renseignements, de s'en tenir à ce qui est, je le disais tout à l'heure, à ce qui est disponible en termes d'archives. Dans ce cas-là, on ne parle quasiment pas du XXe siècle. En tout cas, on ne parle quasiment pas de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même ce qui intéresse le plus les gens. Donc, ça veut dire plusieurs registres. C'est dommage pour les deux qui sont présents. Enfin, bon. Ils en sont inconscients. Mais vous avez l'avantage des archives. Voilà, voilà. Donc, en fait, on a plusieurs types de réceptions. On a une réception... Moi, je crois que la réception érudite et universitaire évolue quand même dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de plus en plus forte de la légitimité de ces travaux. Donc, mais comment faire avec la question du complotisme ? On flirte toujours avec cette question-là quand on est dans l'espionnage. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, que vos lecteurs, d'une certaine façon, utilisent ce type d'ouvrage et ce type de révélation, par exemple, d'anciens espions comme étant les choses cachées depuis... Pour nourrir leur fantasme, les choses cachées depuis la fondation du monde, pourrait-on dire. Je crois que le complotisme, il existe. Effectivement, il y a une réception complotiste, mais qui va plutôt vers les ouvrages journalistiques et qui va plutôt dans les interstices, c'est-à-dire dans ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'un journaliste honnête va dire, voilà, on ne sait pas qui a organisé telle action, par exemple. Et c'est là que le complotisme va trouver à s'exercer. Je prends l'exemple dans une radio amie dans cette même maison de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X, dont nous publions régulièrement des volumes. Patrick Pénaud fait un travail rigoureux de vulgarisation, mais effectivement, de temps en temps, on laisse des choses dans le flou. Et c'est précisément dans ce flou que les passions se déchaînent. Terminons cette émission donc en rappelant que le temps des médias est consacré, c'était le numéro 16 du printemps 2011 à l'histoire de l'espionnage, que Les Espions des Lumières de Stéphane Genet, eh bien, c'est publié aux éditions Nouveau Monde et qu'on peut vous lire, vous, dans des revues. En l'occurrence, il y a plusieurs articles de revues qui sont consacrés à votre travail, Aude Sirier, justement, revues qu'on peut trouver sur les bonnes plateformes de revues, que ce soit donc Kern.org, je crois, revue.org en l'occurrence, et puis également Percé. Précisons également que la revue Vacarme sortira donc avec ce numéro, ce dossier Spymania en janvier prochain. On termine avec Barry Adamson, une nouvelle interprétation encore de ce thème de James Bond, en vous disant évidemment que cette émission était préparée comme d'habitude par Marie-Vionne Bolivier et Aurélie Marseille, qu'Emmanuel Morse-Duncan était à la technique et que Séverine Cassard était à la réalisation.